et regimbard, enjamba l'estrade, puis montra l'Espagnol qui l'avait suivi. « Permettez-moi, citoyen, de vous présenter un patriote de Barcelone. » Le patriote fit un grand salut, roula comme un automate ses yeux d'argent et la main sur le cœur. « Ciudadanos, mucho aprecio el honor que me dispensai, y si grande es vuestra bondad, mayor es vuestra atención. »« Je réclame la parole, » cria Frédéric. « Dès que se proclame la constitution de Cadiz et ce pacte fundamental de la libertad des Españolas, hasta la última revolución, nuestra patria cuenta numerosos y heroicos martires. » Frédéric, encore une fois, voulut se faire entendre. « Mais, citoyen !» L'Espagnol continuait. « El martes próximo tendrá lugar a la iglesia de la Madalena un servicio funèbre. »« C'est absurde à la fin. Personne ne comprend. » Cette observation exaspéra la foule. « À la porte ! À la porte !»« Qui ? Moi ?» demanda Frédéric. « Vous-même !» dit majestueusement Sénécal. « Sortez !» Il se leva pour sortir, et la voix de Libéria le poursuivait. « Y todos los españoles descarriant vers Ali reunidas la dépunación de los clubs et de la milicia nationale, une oración funèbre en honor de la libertad española y del mundo entero será pronunciado por un miembro del clero de París et la salle à Bonne Nouvelle. Honor al pueblo francés que la maría yo, el primer pueblo del mundo, si no fuese ciudadano de otra nación. Aristo, glapit un voyou, en montrant le poing à Frédéric, qui s'élançait dans la cour indignée. Il se reprocha son dévouement, sans réfléchir, que les accusations portées contre lui étaient justes après tout. Quelle fatalité que cette candidature! Mais quels ânes, quels crétins! Il se comparait à ces hommes, et soulageait, avec leur sottise, la blessure de son orgueil.